Tu m'as relevé quand j'agonisais. Le temps s'est arrêté, mon cœur s'est chronisé. Je m'envolais, le sablier s'est brisé. Dans tes yeux que je m'évadais. En taille à l'évotron, ce n'était pas violent. Bataillon, bataillon, je t'aime encore, je n'ai pas de problème. On sait pas où la vie nous mènera. Quoi qu'il arrive, je veux dans mes bras. Bataillon, bataillon, je t'aime encore, je n'ai pas de problème. Elles veulent pas ton bonheur, ma douce. Les écoutes passer des jaloux. Les écoutes passer des jaloux. Ils veulent nous consombrer comme on sombrait leur couple. Ils font semblant d'être revenus après nous. Nos moments font qu'on les avoue. C'est sur une autre planète que je vais t'emmener. C'est sur une autre planète qu'on va s'en aller. Vas-y, crame sur mes ailes, on va s'envoler. Moi je veux ton amour qui t'a se volé. Sani sani sani sani yorum. Sani sani sani sani yorum.